Dutrisac, l'après-midi, avec Benoît Dutrisac, au 98-98-5. OK, je vous le dis, c'est un sujet qui est plate. Oui, c'est plate. Le logiciel libre, c'est plate. C'est compliqué, c'est plate. Mais on va en parler parce que le gouvernement de Pauline Marois est sur le point d'accorder des contrats sans appel d'offres de près d'1,4 milliard pour la migration de centaines de milliers de postes informatiques vers les récents produits de licence Microsoft. Avec nous, le chroniqueur de nouvelles technologies, Carl Charest. Carl, bonjour. Comment ça va? C'est pas plate, pas tout. Ah, c'est plate, plate. Ah, c'est plate. Mais c'est beaucoup d'argent. D'abord, c'est quoi le logiciel libre? Et c'est quoi une migration des centaines de milliers de postes informatiques vers des récents produits de licence Microsoft? Qu'est-ce que tout ça veut dire, Carl? Tout ça veut dire que on a des vieux ordinateurs dans la fonction publique et on veut avoir des ordinateurs plus récents. OK. On parle de 2002-2003, les ordinateurs. Ouais, c'est ça. On parle, généralement, là, les ordinateurs, ils réussissent à les faire durer quand même plus que le commun des mortels. C'est pour ça que souvent, on se plaint lorsque, moi, je connais beaucoup de gens dans la fonction publique qui se plaignent, qui ont des ordinateurs très, très vieux, parce qu'on les fait durer le plus longtemps possible pour permettre à l'investissement d'être le plus rentable possible. Parce que, on s'entend, bon, qu'on parle d'un investissement d'1,4 milliard, c'est quand même beaucoup d'argent, et on veut que cet investissement-là puisse servir à quelque chose. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. Dans l'annonce qui est faite là, il n'y a rien de nouveau. C'est exactement l'annonce que les libéraux avaient fait, et c'est un peu ça qui vient choquer, parce que ils n'ont pas su apprendre, et ça, c'est parmi tes marottes préférées, ils n'ont pas su apprendre de ce qui s'était fait avant, et innover de ce qu'on voulait ou ce qu'on voulait faire avant. Alors, la transaction est justifiée. Il faut changer les ordinateurs, il faut changer les postes informatiques. Ça, on comprend ça. Alors, où est la controverse? Là, on parle des produits, licences de Microsoft qui seraient quoi, 20% du 1,4 milliard? À peu près, ouais, c'est ça, 19% là, du 1,4 milliard. Il faut savoir qu'une licence de Microsoft, c'est entre 150 et 500 $, dépendamment des licences de ce que tu as besoin. Et elle est là, la problématique, c'est parce qu'il existe autre chose. Mais on ne semble pas comprendre dans les gouvernements, puis je veux pas me fâcher non plus, mais je trouve ça un peu plate parce que c'est des endroits où est-ce qu'on pourrait vraiment sauver de l'argent facilement. Puis on dirait que il y a du monde, et j'en fais un peu partie, qui prêche dans le désert, qui sont toujours à ramener les mêmes marottes et qui se font dire par du monde en radio qui estime au plus haut point que sont plates, puis que les sujets sont plates, puis que les affaires sont plates. Mais c'est pas plate parce que si on est capable d'aller économiser 19% d'1,4 milliard, ben oui. C'est pas plate ça, parce que c'est de l'argent qu'on va pouvoir mettre ailleurs, c'est de l'argent qu'on va pouvoir investir des infrastructures, tu sais. Non, je comprends. Mais Carl, quand je dis plate, là, c'est que le logiciel, les logiciels, le sujet même de la controverse est plate. C'est un produit fonctionnel. C'est une patente, c'est un logiciel que tu mets dans ton ordinateur pour qu'il fonctionne comme tous les autres. On parle de 738 000 ordinateurs que le gouvernement doit remplacer. Mais alors que là, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a une entente sans appel d'offres avec Microsoft qui vont faire 19% du 1,4 milliard de dollars. Et personne d'autre a eu l'occasion de dire, « Hey, moi, je peux vous faire ça, les logiciels, faire fonctionner vos ordinateurs pour beaucoup moins cher. » Et c'est pas qu'ils ont pas essayé, c'est parce que je pense que, tu sais, l'être humain est habitué à certains fonctionnements. Si demain matin, je te dis que on va changer tes solutions, demain matin, je te dis, « Benoît, t'es un habitué du PC, » et c'est fini, tu vas avoir un Mac. Ben les premières semaines, les premiers mois, tu vas dire, wow, regarde, là, c'est parce que j'ai mes habitudes, ça fait 20 ans que j'ai un ordinateur, ça fait 20 ans que j'ai le même type d'ordinateur. C'est un peu ça qui se passe. Oui, il y a du lobbyisme. Oui, il y a des accusations, qui soient fondées ou pas, j'embarquais pas dans ce domaine-là. Mais dans la tête des gens, tu veux une suite de bureaux pour ordinateur, c'est Microsoft. Et il n'existe pas autre chose que Microsoft, et c'est ce qui fait le succès de Microsoft, c'est ce qui fait que c'est une des bonnes compagnies cotées en bourse, et que Bill Gates est un milliardaire, et que tous les fondateurs sont milliardaires chez Microsoft. Donc, tu es en train de me dire qu'on n'a pas de choix. C'est pas qu'on n'a pas le choix, c'est qu'il faut désirer changer nos habitudes. Il faut se lever le matin et dire, OK, mes bonnes vieilles habitudes, il faut que j'y change. Il y en a plein de choix. Il y a énormément de choix, il y a énormément de trucs qui sont super plaisantes à utiliser. Je pense entre autres à la suite de Google, donc qui s'appelle Google Docs, qui est vraiment, vraiment plaisante à utiliser et qui permettrait la collaboration entre plusieurs usagers. Je t'explique. Avec ton équipe de recherche, tu pourrais partir un document Google Docs et te mettre à échanger dans le même document et vous pourriez écrire les quatre en même temps, incluant Larry. Mmh. Donc, ça, c'est des trucs qui, oui, Microsoft s'en vient de plus en plus vers ça, mais sont pas dans l'info nuagique, le fameux cloud computing, comme Google le fait. Et là, bon, les gens vont me dire, ouais, mais ça, c'est si j'ai pas d'Internet, qu'est-ce que je fais? Google a des solutions pour les entreprises. Donc, oui, t'as le particulier qui permet de le faire dans le cloud, dans l'info nuagique, mais t'as aussi des solutions pour les entreprises qui peuvent être faites. T'as d'autres suites, une suite qui s'appelle OpenOffice, qui est exactement à un millimètre près de ce qui est fait avec Microsoft et qui est gratuite. Mais ça, c'est pas les mêmes raccourcis clavier, c'est pas la même façon de gérer les images, c'est pas la même façon de gérer des tableaux, mm-hmm. Tu peux pas avoir les mêmes fonctions dans Excel. Mais tout ça fait que tu es obligé de changer ta conception du logiciel. Et comme tu es un être humain qui est habitué dans ses fonctions, ben tu veux pas changer ça. Tu veux pas aller ailleurs parce que tu as tes habitudes. Fait que c'est une question. Oui, il y a probablement une bonne portion de lobbyisme, mais il y a aussi une question d'habitude à changer. Et ça, ben tout le groupe du logiciel libre au Québec pousse dans cette direction-là depuis des années. Et je pense qu'il faut continuer, mais il faut juste en convaincre un. Une personne dans un ministère de vouloir changer, ouais. on vient d'enlever une bonne partie du 19%. Là. Mais quand t'achètes t'achètes 750 000 ordinateurs, là, 750 000 postes, on parle de 738 000 pour être exact, il me semble qu'il y a des économies d'échelle que tu peux faire. C'est clair qu'il y a des économies d'échelle que tu peux faire. Et je te dis pas que sont pas en train de les faire. Je te dis pas qu'ils ont pas fait. Je suis pas si au fait du dossier. Mais si tu es habitué à un fournisseur, encore là, on revient aux bonnes vieilles habitudes. Dans la vie, tu es habitué à un fournisseur. Les autres fournisseurs qui vont arriver, surtout en ce moment avec la commission Charbonneau, les nouveaux fournisseurs, là, on les voit arriver avec une brique et un fanal et on a peur et on marche sur les talons. Mmh. Je pense que ça fait partie de la problématique. Tu sais, je suis le premier défendeur de la commission Charbonneau, mais en ce moment, elle peut devenir problématique parce que tout nouveau fournisseur est vu et regardé de façon étrange. Toi, tu vas-tu me mettre dans la merde ou je suis-tu safe avec toi ou je peux travailler avec quelqu'un d'autre? Et cette optique-là gouvernementale vient un peu déranger parce que on garde nos bonnes vieilles habitudes qu'on sait qui sont clean, qui sont propres et qu'on n'aura pas de problématique dans toute l'espèce de peur de chasse aux sorcières dans laquelle on est à l'heure actuelle. Fait que ça fait partie du truc. C'est la seule affaire que je vois qu'on a décidé de garder le projet libéral. Mais Carl, en même temps, là, on voit le dossier Santé Québec, là, c'est parti de 500 millions, c'est rendu aux dernières nouvelles 1 milliard 100 millions. On regarde ça, 1 milliard 400 millions pour des ordinateurs. On dirait qu'au gouvernement, l'informatique, on connaît pas ça. Ben, c'est longtemps la perception que j'en ai eue. Il y a pas personne qui a réussi à me convaincre du contraire. Je me ferai pas d'amis aujourd'hui, puis écoute, j'aurai ma face sur un jeu d'or et je suis bien correct avec ça. Mais il manque un chef. On dirait qu'il y a plus d'Indiens que de chefs dans ces projets-là. Ouais. Le dossier de la santé, c'est un des dossiers. Ça prendrait un ministère de l'informatique. Ben, pas un ministère de l'informatique, non, mais au moins une direction qui sait de quoi il parle et qu'on écoute. Parce qu'en ce moment, il y a plusieurs petites directions, personne ne les écoute. Bon, je veux dire, le geek, là, le nerd, là, personne ne l'écoute. Ben, c'est le même dans la vie, Carl, que si je fasse, pas de ma faute. Là. Mais je comprends très bien ce que tu me dis. On va faire une pause. Je te remercie, on a Stéphane Bédard qui est déjà en ligne. Et c'est lui qui signe les chèques au Conseil du Trésor. Puis on va voir si on peut pas, parce que ça reste... signe des chèques, mais c'est notre argent. Et je pense que je me demande, tout le monde se demande si on peut pas faire mieux que cette facture que nous envoie Microsoft et le 1 400 000 000. Merci. Moi, je suis sûr que oui, si le ministre Bédard veut m'appeler pour avoir des conseils, ça me fera plaisir de répondre. Bon, ben parfait, je vais lui transmettre le message. Merci, Carl Charest. Ça fait plaisir. On s'arrête un instant, on revient avec le ministre Stéphane Béchard.